Eh hey, mon poteau Altismé, ça va ou quoi? Yeah. Alors, ça te dirait pas de poser sur un son vite fait avec moi là? Ouais, pourquoi pas, quand on casse-t-il? Bah, je sais pas, t'es un rasta, donc tu fais un truc de reggae rasta là. Jalov, c'est la CI. Lord of Mercy, ganja ganja, pull up selecta, rhythm for the man, watch me now. Eh non, mais faut arrêter là, c'est quoi ton délire? Bah, quoi, t'es un rasta man quoi, t'es fire, t'en bats les couilles, positive vibration, iron, lion, zion. De toute façon, tu foires ta vie, tu dis ouais, Babylone, machin, mais va te laver déjà. Ah là là, non mais dis que je mange des bananes aussi, c'est comme je te disais que vous les rappeurs là, vous savez pas chanter, que faites que vous plaindre. Oh ouais, la vie c'est guéton guéton quoi, quoi. Avec vos voitures louées, vos billets payés à la journée dans vos clips, là genre caille de supermarché. Après on s'étonne que les gens votent Le Pen aussi. Arrête, mec, tout ça c'est des conneries, des foutaises, des putains de clichés. Bah ouais, je pense aussi, c'est pour ça qu'on peut aller au-delà de tout ça, tu crois pas? Ouais, viens on leur explique. Non, vert, ça vert, être en vert, les esprits non ouverts, on persévère, la rime c'est vert, en vert, les barrières, mais les barrières, mais les barrières, ouais, envers les barrières, ce qui paraît, on paraît, pour dangereux dès qu'on apparaît, mais on est paré à ce qu'on parie à ceux qui viennent s'emparer des biens sociaux ou des sociopathes. Quand le lendemain, ma cravate débrise la débatte, mais à coup de faux semblants, dans tous ces faux semblants, au beau milieu de ton milieu, t'es à milieu, de cartes qui t'entourent, enlève la croûte de tes yeux, oh Jaconnette! Ça paraît con, mais les complications, c'est vite par communication, permet de la compréhension. Anti-afférente, au grand moins le différent, conférant l'attention à celui que tu crois différent. Rien n'est absolu, absolument rien, pas d'absolution pour tes regards hautains, pour les regards de juges qui m'insurgent, purgent l'étiquette que tu m'adjuges. Ben on explose les barrières, comme à la soirée, ramène pas hier. Encore une nouvelle balle, sortie de mon barrière, pas tué à la barrière, nique sa mère, j'ai pas de plan de carrière. Traite comme un chien, ferait mieux d'appeler la fourrière. Il serait temps d'ouvrir les yeux et de sortir ta fourmilière. Excuse-moi si mes manières sont trop familières. A chacun sa façon de voir, et y'en a des milliards, comme des dollars qui circulent dans l'industrie minière. Avec un minimum de recul, on se retire ses œillères. Façon de faire est sincère, légèrement influencé par la CNC. Sur CNC, là j'ai enfin l'occasion d'évacuer ma sensée. Défoncer, me dépenser, repousser les pensées du passé, d'y paxer. Parce que je suis un rappeur, que je devrais profiter et taxer. Avoir des envies de meurtre envers les que mes paxés. Ouais, j'ai peut-être pas un paxé, mais j'ai bien calculé ta façon de vouloir tout indexer. T'as pas dû te reconnaître, donc t'es pas vexé. Mais mec, faut être honnête, tu fais chier, pas que vexé. Vas-y, pète un coup, et ouais, c'est le petit voyou. Ça te plaît pas, je m'en bats les couilles, mais dis-moi, tu veux que j'aille où? J'suis dans le rap, un monde de violent et jaloux. Y'a des trucs qui nous échappent, pareil même qu'on comprend Walou. C'est vrai que j'adore critiquer, c'est même mon passe-temps préféré. Comme pour la majorité des Français, ça me fait marrer de pratiquer cet art de bêtement préféré. Des paroles de mecs bourrés, défoncés. Mais en vrai, je sais que je ne sais rien. C'est qu'on peut à la fois être un vieux taré et un jeune sérieux. Non, vert, ça vert, être en vert, les esprits non ouverts, on persévère, la rime c'est vert, en vert, les barrières, mais les barrières, mais les barrières, ouais, envers les barrières. Non, vert, ça vert, être en vert, les esprits non ouverts, on persévère, la rime c'est vert, en vert, les barrières, mais les barrières, mais les barrières, ouais, envers les barrières. Franchement, on en rit de des a priori, a fortiori, horrifié. Pas la pensée facile à la lori, c'est l'euphorie dans ces cortex de gorille. Ouh ouh ouh ouh, les raisonnements hâtifs deviendraient verbatifs. Si j'étais une chouette, c'est que je me lave pas les tifs. Me café de hip hop, donc il est agressif. Ouais. Il habite forcément une banlieue bien moche. Remplis son frigo, on sent ton shit de sa poche, non? Un mal amalgame, un monde d'apparence. Un mal amalgame, un monde d'ignorance. Un mal amalgame, par non-connaissance. Mieux vaut se taire que de parler à outrance. La sagesse découle souvent du silence. Alors, chut, tais-toi. Je m'adresse à toi, quelle que soit ta nationalité. Ouais, c'est me cache, t'ai dit ça, c'est juste une formalité. Désolé, tu t'attendais à du Walt Disney. Sur ce morceau, je suis brûlé par mon pote El Disney. Pour présenter, rien du tout, aucun crew. Sonne pour ma gueule avant tout, en aucun cas porte-parole des rennais ou des babtous. Je suis là pour niquer le monopole, les esprits obtus en vertu. Des conneries qu'on entend partout, dès qu'on a tous notre parcours. Et qu'il est parfois bon de partager comme dans une partout. On a tous, tous, quelque chose à donner. On a tous, tous, de l'énergie insufflée. En discutant avec les gens, t'es bien souvent étonné. Reconnais, chacun a ses trésors et qu'on est tous un peu chercheur d'or. Alors à l'heure ou les râleurs, trouve la matière à leur art. Moi j'ai le tout pour aller ailleurs, ayant les rats de laboratoire. Y'a tellement de choses à voir, et tellement de gens qui croient savoir. L'important c'est de trouver sa voie. On se remet pas en question, si on va pas au-delà de nos premières impressions, on se fera tout savoir. Bloqué par les normes, bloqué par les formes. Déformé la forme et la vision. Déforme, bloqué par les normes, bloqué par les formes. Déformé la forme et la vision. Déforme. Non, vert, ça vert, être en vert. Les esprits non ouverts, on persévère. La rime c'est vert, en vert. Les barrières, mais les barrières, mais les barrières, ouais. Envers les barrières. Non, vert, ça vert, être en vert. Les esprits non ouverts, on persévère. La rime c'est vert, en vert. Les barrières, mais les barrières, mais les barrières, ouais. Envers les barrières. Hé, ce qu'il essaie de te dire, connard, c'est qu'on est tous aveugles. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que nos parents sont aveugles. Nous, on a les yeux fermés, c'est pas pareil.